The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Plant. La plante. Fir tree. Le sapin. Christmas. Noël. In. En. Why. Pourquoi. Plastic. Plastique. Now a bit faster. In. En. Why. Pourquoi. Plant. La plante. Why. Pourquoi. Plastic. Plastique. Fir tree. Le sapin. Plant. La plante. Plastic. Plastique. Christmas. Noël. In. En. Plant. La plante. Now, use the words in context. La plante. I like plants. J'aime les plantes. Le sapin. It's a real fir tree. C'est un vrai sapin. Pourquoi? Why not? Pourquoi pas? Noël. Christmas is my favorite holiday. Noël est ma fête préférée. En. The bouquet of flowers is plastic. Le bouquet est en plastique. Le sapin. It's a real fir tree. C'est un vrai sapin. Pourquoi? Why not? Pourquoi pas? Noël. Christmas is my favorite holiday. Noël est ma fête préférée.